Troisièmement, XVIe siècle. À partir du second mariage d'Anne de Bretagne, Concarneau échappe à l'histoire pendant 70 ans. Toutefois, la place continua d'avoir un capitaine, décoré plus tard du titre de gouverneur, et une garnison à morte paix, c'est-à-dire entretenue en temps de paix comme en temps de guerre. Nous avons vu en 1488 Hervé Garlot chargé de la garde de Concarneau. Nous le retrouvons au même poste 10 ans plus tard. Nous ne pouvons dire quand il cessa ses fonctions ni quel fut son successeur. En 1542, Concarneau, comme Brest, avait pour capitaine le célèbre Philippe de Chabot, comte de Brion et Charny, amiral de France. Il va sans dire que son titre de capitaine de Concarneau n'était qu'honorifique. L'amiral était suppléé par Jean Moreau de la Provostière, ayant titre de lieutenant. C'est lui qui, au mois de mai 1543, reçut Jean de Brosse, dit de Bretagne, comte de Penthièvre, duc d'Étampes, gouverneur et lieutenant général en Bretagne pour le roi et Monseigneur le Dauphin. Le gouverneur venait inspecter l'armement des côtes en prévision d'une guerre avec l'Angleterre. Et le 25 mai, le lieutenant de l'amiral présenta l'inventaire et fit montre des artilleries, munitions et accoutrements de guerre étant à Conques. Le mois suivant, 1er juin, Philippe de Chabot mourait. La capitainerie de Brest fut donnée à François de Cugnac, seigneur de Dampierre en Beauce, qui la tenait encore en 1568. Et Jean Moreau fut pourvu de la capitainerie de Concarneau. Il la garda jusqu'à une date que nous ne pouvons indiquer, mais antérieure à 1568. À partir du milieu du XVIe siècle, Concarneau va passer pendant plus de 60 ans à la garde de gentilshommes parents les uns des autres. Le premier d'entre eux fut Jean de Gégadeau, seigneur de Kérolin. Il a dû exercer cette charge avant 1568. Il eut pour successeur, dès 1568, Jean le Prestre, seigneur de Lézonnet, dont il avait épousé la fille Suzanne. Jean le Prestre, un des 100 gentilshommes ordinaires de la chambre du roi, lieutenant du roi en Basse-Bretagne, maître d'hôtel de Catherine de Médicis et depuis échanson ordinaire de la reine, fut pourvu le 29 janvier 1568. 3 ans après, le 6 juin 1571, son fils Louis, seigneur de Lézonnet, conseiller maître d'hôtel ordinaire du roi, lui succéda. On était en paix, Lézonnet s'absentait souvent, la place était négligemment gardée. Et en 1576, il arriva au capitaine une fâcheuse aventure que le chanoine Moreau a contée en détail. Il s'agit de la surprise de Concarneau par 2 seigneurs calvinistes. J'ai lu quelque part que cette entreprise se fit en pleine guerre de la Ligue. Non, en 1576, l'Union n'était pas encore jurée même à Paris. Et les Ligueurs n'ont pris les armes que 8 ans plus tard, en 1584. Si l'on craignait d'exagérer, on pourrait dire que le premier fait des guerres de religion eut Concarneau pour théâtre. Jamais entreprise ne fut plus téméraire, on peut dire plus folle. Pour réussir, il faut conjurer un allié souvent infidèle, le vent. Il doit porter leur messager aux calvinistes de La Rochelle et, tournant à propos, ramener à Concarneau le secours des Rochelois. Lopriac, seigneur de Kermassonnet, fut l'âme de l'entreprise. Il y engagea son beau-frère Jean de Beau, seigneur de la vigne Le Houle. Ils s'adjoignirent quelques gentilshommes de leur voisinage, recrutèrent quelques soldats, et au nombre de 30 cavaliers partirent pour Concarneau. Ils y arrivèrent le 17 janvier, après-midi. Ils étaient bien renseignés, ils savaient que la porte du faubourg serait gardée par 1 ou 2 hommes, peut-être par le portier seul. La petite troupe s'arrêta à l'abri d'une masure non loin de la porte, et un homme s'avança seul. Le portier seul gardait la porte. L'étranger demande à parler au capitaine, le portier répond qu'il est absent. L'autre descend de cheval, feint de chercher des lettres, laisse tomber quelques papiers, et au moment où le portier se baisse pour les relever, le frappe d'un poignard. Il fait signe aux autres qui arrivent au galop et entrent en ville. Ils s'emparent des quelques soldats de la garnison, les enferment et mettent en prison les habitants, sauf ceux chez qui se sont logés leurs chefs. Mais à peine sont-ils entrés dans la place que le tocsin sonne de proche en proche dans les paroisses voisines. Et dès 3 heures, la nouvelle arrive à Quimper. Un vieux capitaine, Vincent de Quatanezré, seigneur de Pratmaria, qui touche Quimper, et Jean de Tivarlène, seigneur de Kerraro, commandant l'arrière-ban de Cornouailles, réunissent la noblesse des environs et partent en hâte. En arrivant, Il trouve les paysans du voisinage bloquant Concarneau. Que peuvent 30 hommes enfermés dans une place ainsi investie? Ils envoient demander du secours à leurs coreligionnaires de La Rochelle. Mais les vents sont contraires et le secours ne sera pas en route que Concarneau sera repris. Le nombre des assiégés diminuait chaque jour. Le 22 janvier, cinquième jour après la surprise de la place, un marchand, Guillaume Lebris, laissé libre dans sa maison où Lopriac et un gentilhomme logeaient, les trouve tous les deux endormis de fatigue. Lopriac avait au bras les clés des portes. Lebris frappe l'un et l'autre de leurs poignards et court ouvrir la porte principale. Les assiégeants entrent et font main basse sur ce qui restait des 30. C'était le jour de Saint-Vincent, et en mémoire de la reprise de la ville, une procession fut établie qui se faisait encore au XVIIIe siècle. Le gouverneur duc d'Étampes et comte de Penthièvre était mort en 1566. Après lui, son neveu, Sébastien de Luxembourg, vicomte de Martigues, recueillit en même temps le gouvernement de Bretagne, le duché et le comté. En 1569, il obtint l'érection du Penthièvre en duché. Il mourut la même année. Il laissait pour héritière sa fille Marie, née à Lamballe, le 11 février 1562, qui, le 12 juillet 1575, allait épouser Philippe-Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur, frère de la reine Louise de Vaudemont. En 1582, le gouvernement de Bretagne devint vacant, et pour le malheur de la Bretagne, le roi Henri III y appela son beau-frère, le duc de Mercœur, 5 septembre. À un double point de vue, cette nomination fut la plus lourde faute que le roi put commettre. Mercœur était allié des Guises, déjà en guerre avec la cour. La duchesse était descendante et héritière au 7e degré de Jeanne de Penthièvre. Elle prétendra ressusciter les droits anciens de sa maison au duché de Bretagne. Quand un fils lui naîtra à Nantes, elle le fera appeler prince et duc de Bretagne. Pour complaire à sa femme, Mercœur soulèvera de nouveau la question de la succession de Bretagne, mais les Bretons ne sont pas disposés à prendre les armes pour réaliser ses rêves ambitieux. Mercœur a besoin d'un autre titre pour se les attacher. Il va se déclarer chef de la Ligue en Bretagne. Et voilà la guerre civile sévissant chez nous pendant 10 années, les Anglais appelés par le roi, les Espagnols appelés par Mercœur, foulant et ravageant le pays. Mais Mercœur ne prit ce parti qu'en 1588. Avant cette date, en 1585, le roi a donné Concarneau et Dinan pour place de sûreté aux ligueurs. Mercœur va s'attacher les capitaines de ces deux places. Le capitaine de Concarneau ne se rendra à Henri IV qu'après son abjuration, 25 juillet 1593, et Dinan sera la dernière ville de Bretagne restée aux mains de Mercœur, 15 février 1598. Vers l'époque où les deux places étaient remises aux ligueurs, les Aunais vit arriver à Concarneau un personnage dont la présence pouvait lui être une cause d'embarras. C'était un prétendant au trône de Portugal, on peut même dire un roi détrôné de Portugal. Emmanuel le Fortuné, roi du Portugal, mourant en 1521, avait laissé 3 fils, Jean, Louis et Henri, depuis cardinal-archevêque Déborah. Jean succéda à son père et mourut en 1557, survivant à son fils de même nom et laissant le trône au fils de celui-ci, Sébastien. C'était un enfant de 3 ans, il eut pour tuteur Don Antonio, fils de Louis, né, semble-t-il, d'un mariage clandestin, entré dans l'ordre de Malte et grand prieur de Crato. À peine majeur, Sébastien périt dès le début d'une téméraire expédition en Maroc à la bataille d'Alcazar-Quivir, 17 juin 1578. Son oncle Antoine, qui l'accompagnait, fut fait prisonnier et retenu plusieurs mois au Maroc. Le trône revenait à Antoine, mais en son absence, son oncle Henri le cardinal publia que la naissance de son neveu était illégitime et, dit-on, fit détruire tous les actes qui démontraient le contraire. Il fut proclamé, mais il mourut le 31 janvier 1580. 4 prétendants réclamèrent le trône. Antoine, neveu du cardinal, par son frère Louis, Philippe II, roi d'Espagne, fils d'une sœur du cardinal, le duc de Bragance, mari d'une autre sœur, enfin, qui s'en saurait douter, la reine Catherine de Médicis, invoquant un acte de 1254, vieux de 326 ans. La reine va prêter secours à Antoine, peut-être avec l'espérance que le prieur de Crato, n'ayant pas d'enfant légitime, appellera sa succession elle-même ou sa descendance. Pour Catherine, ce peut être une habileté que d'associer ainsi ses prétentions chimériques aux sérieuses prétentions d'Antoine. Antoine avait pour lui le peuple et les religieux très nombreux en Portugal. Il fut proclamé à Santarém, mais sans perdre un moment, Philippe II fit passer à Lisbonne une armée aux ordres du duc d'Albe. Battu une première fois, Antoine fut complètement défait le 21 août 1580. Au mois d'avril suivant, les Cortés portugaises reconnaissaient Philippe II. Renonçant au moins pour un temps à la lutte, Antoine essaya vainement de quitter le Portugal pour venir en France. Il fut plusieurs fois contraint de se cacher, protégé par le peuple et les moines qui, malgré les rigueurs du duc d'Albe, lui restaient obstinément fidèles. Enfin, en juin 1581, il débarqua à Calais. Là, il fut accueilli par Joyeuse, que la reine-mère envoyait le saluer. L'archipel des Açores, importante station entre Lisbonne et les Indes, tenait pour Antoine, et la possession de ces îles avait pour lui une grande importance. La reine Catherine arma de ses deniers, un peu malgré le roi, une flotte de 55 voiles, y embarqua 5000 hommes à Dieppe et à Bordeaux, donna le commandement à son parent Strozzi, ayant pour second Cossé-Brissac, et les chargea d'établir Antoine aux Açores. Le débarquement s'opéra heureusement le 25 juillet 1582, mais la flotte espagnole survint, commandée par l'amiral marquis de Santa Cruz, et mieux armée que la flotte française. Un combat furieux s'engagea, et plusieurs navires français furent pris ou coulés, beaucoup d'hommes furent faits prisonniers. Strozzi fut tué, et Cossé-Brissac se vit contraint de repartir pour la France, où il ramena Antoine. Pourtant, Catherine ne se décourageait pas. L'année suivante, 1583, elle envoya encore aux Açores un petit corps d'armée de 2500 hommes. Mais, assaillis par des forces supérieures, ils furent réduits à capituler, 4 août, et ces désastreuses expéditions prirent fin. Serait-ce à son retour des Açores en 1582 qu'Antoine aurait séjourné à Concarneau? Il semblerait que c'est plus tard. En effet, malgré tous ses échecs, il n'avait pas renoncé au trône, puisque, en 1585, il exposait ses droits à la couronne dans un manifeste écrit en latin, français et hollandais, imprimé à Lyon et adressé au gouvernement d'Angleterre, de France et des Provinces-Unies. Il avait donc tout intérêt à ne pas trop s'éloigner de la reine Catherine. D'autre part, une lettre de l'ambassadeur de Toscane, datée du 4 août 1585, rend compte de faits qui semblent tout récents. On y lit « Don Antoine, ce roi exilé, s'est enfui à La Rochelle, où il est bien vu et bien gardé par les habitants de ce port. Il s'était en effet retiré à Concarneau, place appartenant à la reine-mère en Bretagne. Mais, comme cette place se trouve au bord de la mer, quelques navires espagnols, commandés par le neveu du marquis de Sainte-Croix, tentèrent de le surprendre. Mais ayant fait diligence pour se mettre en sûreté, il échappa au péril avec son fils Bâtard et Diego Botteglia, son favori et ancien confident. Cependant, plusieurs de ses serviteurs moins prompts que lui à se sauver furent pris et conduits en Espagne. On dit que cette tentative n'a pas été faite à l'insu des Guises et surtout du duc de Mercœur. En fait, le pauvre prince a trouvé plus de sécurité près des ennemis de Dieu qui sont aussi les siens que près de ses propres amis. Remarquez ces mots de l'ambassadeur. On dit que cette tentative de surprendre Antoine n'a pas été faite à l'insu des Guises, notamment du duc de Mercœur. L'intervention des Guises et de Mercœur surtout, semble assez probable. Comment comprendre qu'Antoine ait choisi Concarneau, même pour un séjour passager? Lui fallait-il un port où il put, dans une circonstance donnée, s'embarquer pour le Portugal? Il y avait des ports sur l'océan et hors de Bretagne. Il fallait se garder d'un port du gouvernement de Mercœur. Le duc est cousin et allié des Guises. Les Guises sont alliés de Philippe II, chef suprême de la Ligue. Ils ont besoin de lui. C'est lui rendre un service que de lui signaler la retraite d'Antoine et de lui fournir le moyen de le prendre. Sa capture a d'autant plus d'intérêt que le prince ne renonce pas encore au trône de Portugal. Témoin le manifeste qu'il publie cette année même. De La Rochelle, Antoine passa en Angleterre, puis en Hollande, et de là revint à Paris, où il mourut le 25 août 1595. Nous avons dit que, en 1588, le duc de Mercœur se déclara chef de la Ligue en Bretagne. Au mois d'avril 1589, Henri III lui enlevait le gouvernement et, le 7 juin, il nommait à sa place, avec le titre de lieutenant-général, Henri de Bourbon, prince de Dombes. Les Aunais, restés fidèles à Mercœur, fut en grande faveur auprès de lui. Il en reçut tant d'honneurs et de profits qu'il excitait l'envie. Il avait sous la main une belle garnison d'une compagnie de chevaux légers, un régiment de gens de pied et du canon. Il n'était pas homme à laisser ce monde oisif. Au commencement de l'année 1590, il conduisit toute sa troupe devant le château de Pont-l'Abbé, appartenant à Toussaint de Beaumanoir, vicomte du Bessot, commandant de l'infanterie royale. Le moment était bien choisi. Beaumanoir assiégeait Ancenis, où il allait recevoir une blessure mortelle. Les Aunais, assistés de tous les ligueurs du canton voisin, s'empara sans peine de Pont-l'Abbé, et dès ce moment, il tint sous la main de Mercœur toute cette partie de la Basse-Bretagne. Au début de l'année suivante, il eut une vive alerte, mais il était sur ses gardes. Grésil de la Tremblay, capitaine de Montcontour, à 40 lieues environ de Concarneau, sans ordre et secrètement, tenta un coup de main sur cette place. Il arrive à l'aube, il se tient caché avec sa troupe dans les bois du Moreau. La nuit venue et la mer basse, il envoie un soldat porter un pétard à la porte au vin. Il suit avec tout son monde. La sentinelle de la tour voisine tue le soldat. L'alarme est donnée et la garnison court au rempart. La Tremblay reconnaît qu'il n'a qu'à s'en aller, laissant là plusieurs morts. Janvier 1591. Il était temps. Pendant sa courte absence, Saint-Laurent, maréchal de Mercœur, avait surpris Montcontour. Il pressait l'attaque du château quand une heureuse diversion lui fit abandonner le siège. Après l'abjuration de Henri IV, juillet 1593, les Aunais rappelaient à Mercœur la parole qu'il avait dite plus d'une fois qu'il serait le plus fidèle sujet du roi devenu catholique. Les Aunais osaient presque sommer Mercœur de cesser la guerre. Enfin, ne pouvant vaincre son ambitieuse obstination, il prit son parti. Il envoya son neveu Gégado, seigneur de Kérolin, négocier sa paix avec le roi. Mai 1594. Henri IV l'accueillit avec joie, maintint les Aunais au gouvernement de Concarneau, lui accorda non seulement une gratification considérable, mais la survivance du gouvernement pour son fils François, alors enfant. Encore le roi exprimait-il le regret de n'avoir pas récompensé, comme il aurait voulu, les services de les Aunais. C'est dire le prix qu'il attachait à la possession de Concarneau. Presque aussitôt, Concarneau vit arriver un hôte qui allait y faire une assez longue résidence, l'évêque de Cornouailles, Charles du Liscoët. L'évêque était seigneur haut justicier de la ville close de Quimper. Il aurait semblé qu'il aurait dû être le chef de la ligue dans la ville épiscopale. Depuis la mort de Henri III, 1er août 1589, il avait donné des gages à la ligue. Il avait prêté serment au roi Charles X, siégé aux états tenus à Vannes par le duc de Mercœur, pris part aux doléances que ces états adressèrent au duc en mars 1592. Pourtant, il n'inspirait pas confiance aux ligueurs de Quimper. Au lendemain de la mort de Henri III, François du Liscoët, seigneur de Couëtnempren, président au présidial de Quimper et frère de l'évêque, s'était résolument déclaré pour Henri IV. Or, Couëtnempren était beau-frère de les Aunais, et les ligueurs supposaient l'évêque attiré au parti royal par les deux beaux-frères. Quoi qu'il en soit, après l'abjuration du roi, l'évêque quitta la ligue. Mais il se sentait mal à l'aise auprès de son chapitre, ardent ligueur, et dès que les Aunais garda Concarneau pour le roi, l'évêque y transporta sa résidence. Il y était établi dès le temps d'une entreprise tentée par les Aunais sur Quimper, 5 septembre 1594. Le chanoine Moreau s'étut discrètement sur cette émigration de l'évêque qu'il ne pouvait excuser. Aller à Concarneau, c'était passer à l'ennemi, car les Aunais, avec sa belle compagnie, étaient devenus une sérieuse menace pour Quimper. Il connaissait tous les hommes ayant quelque influence en ville et il se promit de rendre la place au roi. Il associa sans peine à son entreprise le sénéchal Guillaume le Beau que Mercœur avait gratifié de sa charge et qui allait tourner contre son bienfaiteur la haute influence que lui donnait sa dignité. Ils essayèrent d'abord de la ruse. Dès juillet 1594, des gentilshommes habitants de Quimper tentèrent de s'introduire dans la tour Billon, qui était une sorte de citadelle. Mais l'entreprise échoua. Alors, les Aunais se résolut à employer la force ouverte, et ils s'y préparaient quand survint un incident imprévu. Don Juan d'Aquila, colonel des Espagnols alliés de Mercœur, arrivait à Rosbordin. Le colonel ne se contentait pas du port de Blavet. En même temps qu'il bâtissait à Crozon un fort qui, dans sa pensée, devait masquer et menacer Brest, il se flatta de surprendre Concarneau et il s'avisa d'une ruse assez grossière. Comme s'il n'y avait eu suspension d'armes, Don Juan ne semblait plus songer à la guerre. Et chaque jour, c'était des divertissements et des courses de bagues qui attiraient tout le voisinage. Un jour, il envoya un officier inviter les Aunais à une de ses fêtes. Les Aunais s'excusa courtoisement et répondit que s'il plaisait à Don Juan de venir à Concarneau en petite compagnie, il serait enchanté de lui faire accueil. Don Juan s'excusa à son tour, et, après avoir exigé de Quimper une lourde contribution, il quitta Rosbordin. À cette nouvelle, les Aunais fit sortir une troupe de cavaliers qui surprirent l'arrière-garde espagnole attardée au pillage et firent main basse sur elle. Ce qu'apprenant, Don Juan revint sur ses pas et, traversant les paroisses d'Elion et de Bezec, massacra tous ceux qu'il put atteindre et brûla les villages, notamment Rosbordin. Or, les malheureux et innocents paysans massacrés et ruinés par lui étaient ligueurs. Tel était le farouche et infidèle allié de Mercœur. Libre de préoccupations de ce côté, les Aunais revint à ses projets sur Quimper, mais, s'il prétendait rendre lui-même la ville au roi, il devait se hâter, car le maréchal d'Aumont marchait de Guingamp sur Morlaix, d'où il allait venir à Quimper. Les Aunais entend agir à coup sûr. Il obtient quelques soldats de garnison royale, même éloignés, comme Guingamp et Quintin. Il partira à la tête de plus d'un millier d'hommes. Il peut compter sur les intelligences qu'il a dans la place. Il se promet un succès prompt et facile quand il arrive devant Quimper le 5 septembre. Il s'empare sans peine des faubourgs, mais un secours arrive inopinément. Les Aunais reçoivent une arquebusade, il est contraint de battre en retraite et il rentre à Concarneau, ayant perdu une cinquantaine d'hommes et jurant que les Quimperois l'ont égratigné, mais qu'il les écorchera. Un mois plus tard, les Aunais rejoignaient devant Quimper le maréchal d'Aumont arrivé le 9 octobre, et le 11, la ville capitulait. Après la capitulation, les Aunais rentra à Concarneau. Il ne paraît pas qu'il ait depuis pris part à aucun fait de guerre. Sa blessure lui commandait le repos. Il vivait encore le 16 février 1595, mais il dut mourir peu de temps après. Son fils François, qui avait la survivance, était encore un enfant, et ses fonctions furent exercées à titre de lieutenant par son cousin Jean de Gégado, seigneur de Kérolin, jeune et valeureux gentilhomme qui allait sauver Quimper d'une attaque de la Fontenelle en 1597. Louis de Lézonnet, nous l'avons vu, avait le premier quitté le parti de Mercœur en mai 1594. Son exemple allait être suivi. Quelques mois plus tard, le gouverneur de Redon, Talouette, remettait la ville au roi avec le pont sur la Vilaine. Et Mercœur, ainsi séparé de Dinan, sa place d'armes vers le nord, était confiné dans le pays nantais. Sa partie était perdue. Pourtant, abandonné de ses partisans, se voyant joué sinon trahi par Philippe II, il repoussait les propositions de paix que le roi lui adressait dès avant cette époque. La surprise de Dinan, 15 février 1598, et la menace du roi d'entrer en Bretagne avec une armée le déterminèrent. Le roi appela Mercœur à Angers, Mercœur resta à Nantes, et la duchesse partit à sa place. Elle avait 35 ans, elle était belle, plus éloquente que son mari, elle allait s'humilier devant le roi en lui faisant une proposition inattendue. Elle lui offrit sa fille, Françoise, alors âgée de 6 ans, pour César, duc de Vendôme, fils légitimé du roi et de Gabriel d'Estrées. La favorite, surprise et charmée d'une telle alliance, intervint dans l'intérêt même de son fils, et le roi accorda des conditions que Sully désapprouva hautement. Que le roi rendît à la duchesse de Mercœur ses possessions bretonnes, cela allait de soi. Mais le premier des articles secrets, et il y en a 23, ajoutés au texte de l'édit, est bien extraordinaire. Le Parlement avait condamné Mercœur, par lettre du 18 avril 1589, registrée au Parlement le 26, Henri III avait révoqué les lettres de nomination, c'est-à-dire destitué Mercœur et l'avait remplacé. Henri IV ne tient compte de ces faits. Mercœur est toujours gouverneur de Bretagne. Seulement, Sa Majesté veut que, en faveur du mariage projeté, il remette sa démission du gouvernement, en récompense duquel Sa Majesté accorda 235 000 écus, soit 705 000 livres, évalués au minimum 3 702 790 francs actuels. Et d'autres indemnités pécuniaires sont accordées à Mercœur. Le roi va donner le gouvernement à son fils, le duc de Vendôme, qui deviendra un jour duc de Penthièvre. C'est renouveler la faute commise en 1582 par Henri III. La Bretagne en portera la peine. Le nouveau gouverneur n'a pas 4 ans, il prendra ses fonctions en 1616. Quand nous le retrouverons en 1619 à Concarneau, ces intrigues auront déjà mis en péril le repos de la Bretagne. Quatrièmement, XVIIe siècle. Avant de poursuivre notre étude dans le XVIIe siècle, qu'il nous soit permis de copier, mais pour la démentir, une note que j'ai mentionnée plus haut, écrite en tête du plus ancien registre des baptêmes, mariages et sépultures, conservé à la mairie de Concarneau. Voici cette note. Registre du règne de Henri IV, Guillaume le Prestre, de Château-Giron, évêque de Quimper en 1614. Concarneau fut pris pour la première fois dans les guerres de la Ligue par le maréchal d'Aumont qui l'emporta d'assaut en 1594 et ensuite par les protestants sous Louis XIII et reprit le jour de Saint-Vincent. En mémoire, on fait une procession. Note. Le maréchal d'Aumont ne vint pas à Concarneau. Il n'avait pas à s'en emparer en octobre 1594 puisque les Aunais avaient rendu la ville au roi au mois de mai. L'occupation de Concarneau par les Huguenots et sa reprise le jour Saint-Vincent, 23 janvier, eurent lieu en 1576, 34 ans avant que Louis XIII fût roi, 14 mai 1610. Fin de note. La main mal avisée qui a tracé ces lignes écrivait au XVIIIe siècle. La seigneurie de Château-Giron a été acquise par les Leprestres de Lézonnais en 1701. C'est le fils de l'acquéreur, président au Parlement, qui a pris le nom de Château-Giron et le titre de marquis de Château-Giron lorsqu'il eut acquis quelques biens du marquisat d'Espinay en 1719. Reprenons notre récit. Devenu majeur, François de Lézonnais exerça la charge de gouverneur dont il se démit en 1619. Douzier, auquel j'emprunte ce renseignement, devait savoir la cause de cette démission. Il n'aura pas voulu la révéler, mais nous ne sommes pas tenus à tant de discrétion. Il y a d'autant plus d'intérêt à dire ces faits que, parmi les auteurs qui ont parlé de Concarneau, un seul y a fait allusion dans cette phrase, faite pour piquer la curiosité. Le sieur de Lézonnais voulut tenir, en 1619, contre M. de Vendôme et le maréchal de Brissac, et il s'en sortit mal. Qu'est-ce à dire ? Que Lézonnais a tenu à Concarneau contre l'armée royale ? Oui, et le Mercure François, imprimé en 1621, publie le récit de ce siège. Nous donnerons tout à l'heure un résumé de ce récit. On remarquera que le Mercure ne dit pas les griefs portés contre le gouverneur de Concarneau. Ses lecteurs savaient sans doute à quels événements les rattacher. Il s'agit de la première prise d'armes tentée en faveur de la reine Marie de Médicis. Écartée des affaires avant l'avènement d'Albert de Luynes au pouvoir, la reine-mère avait pris l'engagement de résider au château de Blois. Dans la nuit du 21 au 22 février 1619, Nogaret, duc d'Épernon, procura son évasion et rassembla quelques troupes. Il comptait sur les grands seigneurs, ennemis ou jaloux de Luynes, mais ceux-ci hésitèrent à se risquer en une telle aventure. Le roi ne leur laissa pas le temps de longues réflexions. Il chargea Richelieu d'intervenir. Et le futur cardinal n'eut pas de peine à négocier la réconciliation entre le roi et sa mère. Mais Lézonnais était loin de la cour, et mal informé, il fit quelques déclarations ou quelques démarches compromettantes que nous ne savons pas, mais que le roi ne pouvait innocenter. Et aussitôt, celui-ci chargea le duc de Vendôme, gouverneur de Bretagne, de ramener Lézonnais à l'obéissance. S'étonnera-t-on du choix de Vendôme pour cette mission ? 3 ans auparavant, ces intrigues de Bretagne avaient commencé. Le Parlement avait décrété contre 7 de ses officiers et Vendôme avait osé leur donner asile à Ancenis. Mais le roi était bien assuré de son zèle contre les partisans de la reine-mère. Le duc partit aussitôt. En route, il allait être rejoint par le maréchal de Brissac, lieutenant général en Bretagne. Voici maintenant résumé le récit du Mercure français. En juillet 1619, le roi Louis XIII était à Tours. Lézonnet fut accusé devant lui de comportement tendant à désobéissance et mauvaise volonté. Aussitôt, le roi envoya le duc de Vendôme à son gouvernement de Bretagne et fit partir un corps d'armée d'environ 900 hommes, au nombre desquels 120 soldats de ses gardes et quelques canons. Le sieur de la Besne, capitaine aux gardes, eut le commandement. Le 29 juillet, la Besne se mettait en route. Il descendait la Loire pendant 3 jours jusqu'à Ingrande. 6 jours après, à marche forcée, il arrivait à Quimperlé, 7 août. Le même jour, le duc de Vendôme y entrait avec le maréchal de Brissac. Le lendemain, la Besne, ayant requis toutes les pelles et pioches qu'il put trouver en ville, prit la route de Concarneau, où il arriva à 3 heures de l'après-midi. Il entra au faubourg, la place tira sur lui plusieurs coups de fauconneau et force mousquetade. Un seul homme fut frappé, et perçant de maison en maison, la Besne parvint à la dernière maison, la plus voisine du pont-levis, et y logea son monde. À ce moment, arrivaient Vendôme et Brissac. Aussitôt, ils envoyèrent la Besne sommer la ville de se rendre au roi. Kerchesne, lieutenant de Lézonnet, répondit que celui-ci était sorti depuis 2 jours pour aller quérir du secours, et demanda un délai de 15 jours pour l'avertir. La Besne répondit qu'il attendrait une réponse seulement jusqu'au lendemain matin. Le feu commença de part et d'autre. Vendôme s'était logé au manoir de chef du bois. Note, chef du bois, manoir du prieuré de Locaman. Fin de note. À 11 heures du soir, il fit dire à la Besne de faire savoir à l'hôpital sergent-major de la ville et à ses compagnons de se saisir de Kerchesne et de le faire livrer le lendemain matin avec la ville, qu'à cette condition ils avaient la vie sauve. À cette communication, l'hôpital et les autres se récrièrent. Ils dirent que si Kerchesne n'était pas compris dans la capitulation, il se défendrait si bien et si longtemps qu'il ruinerait l'armée royale, ayant de quoi soutenir le siège pendant 2 ans. Folle bravade qu'ils allaient payer cher. La Besne maintint qu'il leur avait indiqué le seul moyen de n'être pas pendu et dit qu'il attendrait leur réponse au jour. À 4 heures du matin, les assiégés demandèrent à parler à la Courbe Irée, capitaine de la garde du duc. La Besne envoya chercher la Courbe et, en l'attendant, parlementa au bout du pont avec Kerchesne et l'hôpital. Ceux-ci le suppliaient d'intercéder pour que tous eussent la vie sauve. La Besne répondit que leur folle rodomontade de la veille avait mécontenté le duc, qu'il n'avait qu'un parti à prendre, rendre tout de suite la ville qu'il ne pouvait défendre contre le canon qui arrivait à ce moment. Pendant qu'ils causaient, quelques soldats s'étaient approchés. Ils protestèrent qu'ils étaient tous bons serviteurs du roi et que, s'ils étaient maîtres, la place serait rendue. Sur quoi Kerchen, « Je vous poignarderai tous et je me tuerai après si je n'obtiens pas une honnête composition. » La Besne se retira pour informer le duc. En même temps arrivait la Courbe. La Besne le mit au courant et il fut convenu que la Courbe seule aborderait Kerchnest et l'hôpital et qu'il ne ménagerait pas les menaces pour obtenir la remise de la ville. Après quelque temps, la Besne, revenant au pont, entendit la Courbe crier « Soldats, saisissez-vous de Kerchesne !» La Besne s'avança en hâte, poussant le même cri et ajoutant « Soldats, arrêtez Kerchesne !»« C'est un mutin qui veut vous faire tous pendre !» Les soldats se saisirent de leur chef, le désarmèrent et le livrèrent à la Courbe, auquel, l'instant d'après, les clés de la place furent remises. La Besne appela ses soldats, qu'il maintint à une petite distance. Comme capitaine aux gardes du roi, il reçut le prisonnier qu'il remit en garde à ses soldats et les clés qu'il rendit à la Courbe pour les porter au duc de Vendôme. Craignant quelque changement d'humeur chez les assiégés, la Besne fit avancer une 40aine d'hommes et les fit entrer en ville par une planchette, laissée imprudemment abattue sur le fossé. Se voyant surpris, les assiégés, sans essayer une résistance inutile, mirent bas les armes et les soldats du roi se tinrent en bataille jusqu'à l'arrivée de Vendôme, 2 heures après. La première parole du duc à la Besne fut la défense de laisser entrer personne en ville avant la signature de la capitulation. La Besne avoua ce qu'il avait fait, ajoutant, parole odieuse, après les promesses faites par lui, qu'il ne fallait à ses soldats qu'une corde au lieu de capitulation. Brissac, moins scrupuleux que le duc, lui représenta que la Besne avait bien fait de s'emparer ainsi de la ville. À la même heure, conclut le narrateur, on fit son procès à Kerchesne, il fut pendu à une potence devant le pont. Quant aux soldats, ils furent tous renvoyés avec un bâton blanc au poing. Encore on leur fit ce bien de les conduire à 3 lieues de la ville, de peur que le peuple des environs ne se jetât sur eux. Ainsi Lézonnet perdit son gouvernement de Concarneau que le roi a depuis donné au sieur de l'île Rouée. En route pour Concarneau, Vendôme avait vu à Vannes René d'Aradon, gouverneur de Vannes et d'Auray. D'Aradon, qui n'était pas jeune, était malade. Vendôme lui avait demandé en cas de besoin, sinon de lui amener, du moins de lui envoyer du secours, et d'Aradon l'avait assuré qu'il ne serait pas besoin à Concarneau ni de lui, ni de son monde. Entré dans la place, Vendôme s'empressa de lui apprendre la bonne nouvelle par une lettre très aimable d'un jeune homme à un vieillard, et modeste, comme il convenait, surtout après un facile succès. La lettre est datée du 13 août. Les 2 dernières phrases du Mercure appellent un commentaire. Pour assurer la vie des soldats désarmés, il faut les escorter. Pourtant, ils n'ont pas fait résistance. Bien plus, livrant leur chef, ils ont ouvert la place. Il n'importe, les paysans voient en eux les complices d'une rébellion. Ils ne veulent plus même de l'apparence de troubles armés. Les malheureux en ont tant souffert que leur amour de la paix se tourne en fureur. C'est à un sentiment analogue qu'avaient obéi les bourgeois de Quimper. En prévision du siège et spontanément, ils s'étaient armés et étaient accourus à Concarneau pour se mettre à la disposition du duc de Vendôme. Ce fait significatif nous est appris par l'évêque de Cornouailles, Guillaume de Lézonnet, frère du gouverneur de Concarneau. En 1624, il plaidait au Parlement contre la communauté de Quimper, appelante, et il énonce ce fait dans un mémoire. Sans nous dire expressément les griefs portés contre son frère, l'évêque écrit « Sur quelques faux rapports, semés en partie par les appelants, mon frère eut quelques disgrâces. Mais depuis le roi, assertonné de la vérité des choses, par arrêt donné en son conseil, l'a déclaré innocent des fausses accusations portées contre lui. Cela veut dire que le roi aura peut-être reconnu quelques exagérations dans les plaintes portées contre les honnêtes. Lui tenant compte des services de son père, se rendant aux prières de son frère, l'évêque, et de son cousin de Jégado, il l'aura exempté de poursuites criminelles. Mais c'était pure clémence. Un gouverneur qui ferme ses portes à l'armée royale et qui va au dehors chercher du secours contre elle n'est pas innocent de toute faute. Or, ces faits sont certains. Que l'évêque atténue les torts de son frère, soit. Mais comment l'aurait-il défendu de l'accusation d'ingratitude envers le roi, quand toute la famille et lui-même en avaient reçu tant de bienfaits? Le roi, qui avait usé d'indulgence envers le duc d'Épernon, ne pouvait, sans se contredire, être sévère pour Lézonnet. Mais si Lézonnet ne fut pas destitué, comment croire qu'il n'ait pas été contraint de démissionner? Aussi était-il démissionnaire, en 1619, il dut être remplacé sans retard. Le roi lui donna pour successeur Emmanuel Philibert Rouet, seigneur de la Bérodière, marquis de l'île Jourdain et Rouet, en Poitou, chevalier des ordres du roi, gentilhomme de sa chambre, etc. Il allait se rendre insupportable à la basse Cornouaille. Commandant à Concarneau, il avait autorité sur les postes militaires du littoral voisin. Au lieu de se tenir à Concarneau, il alla s'établir à l'île Tristan, en rade de Douarnenez. Un arrêt du Conseil, 17 octobre 1615, avait ordonné le démantèlement de cette place. Mais le seigneur de Névette avait obtenu depuis du roi l'autorisation d'y faire quelques réparations. Il y avait mis une garnison qui rançonnait les environs. Les États réclamèrent encore le démantèlement et le roi l'ordonna par lettre patente du 11 septembre 1618. Mais il alloua aux enfants du seigneur de Névette une somme de 18 000 livres, au moins 90 000 francs de nos jours, en indemnité des dépenses faites à l'île Tristan par leur père. L'abbé Raudière se promit pareil aubaine. En 1622, il alla s'installer à l'île Tristan sous prétexte de la défendre contre les corsaires de La Rochelle. Sur les doléances du voisinage, le roi lui ordonna d'évacuer l'île. Pourtant, en 1625, quand Benjamin de Soubise surprit Blavet, Port-Louis, l'abbé Raudière obtint l'autorisation de faire quelques travaux à l'île pour la mettre à l'abri d'un coup de main. Se mettant aussitôt à l'œuvre, il appela les hommes de 37 paroisses à faire des corvées et des charrois et fit même des levées de deniers illégales. L'évêque de Cornouailles, Guillaume Lézonnet, mal disposé pour le successeur de son frère, et le présidial protestèrent. Le Parlement et les États accueillirent leurs plaintes et le Conseil du roi ordonna la démolition de tous les travaux, 30 juillet 1625. L'abbé Raudière s'empressa de réclamer pour ses dépenses une somme de 40 000 livres, environ 150 000 francs. S'il reçut une indemnité, elle fut très mince. Son coup de commerce, c'est le nom que mérite cette entreprise, n'avait pas réussi. Après lui, le gouvernement passa à son fils Pierre-Joseph, qui prend les mêmes titres. À partir de 1630, il est dit gouverneur dans des actes de baptême et de mariage. En 1636, Dubuisson le trouva en fonction et il en parle ainsi. Le seigneur de Puyrobin commande à 20 hommes mal entretenus sous le gouvernement du sieur de Rouet, du nom de l'abbé Raudière, jeune cavalier qui a succédé à son père. Les expressions qu'emploie Dubuisson témoignent que le jeune cavalier apportait peu de zèle à son gouvernement, à supposer ce qui peut sembler douteux qu'il garda sa résidence. En 1633, il avait pour lieutenant écuyer Jean de Montlouis, seigneur du Boucher, son compatriote et peut-être son parent. Nous retrouverons Montlouis au même poste en 1648. Ce n'est pas sans quelque surprise que nous voyons Dubuisson réduire à 20 hommes seulement la garnison de Concarneau. En effet, après cette date, 1636, du moins au XVIIIe siècle, la garnison fut plus nombreuse. Nous la voyons fournir longtemps un détachement de 50 hommes aux îles Glénan, et même un jour envoyer un escadron de dragons à l'Orient menacé par une troupe anglaise. Au XVIIe et XVIIIe siècle, l'état-major de la garnison est ainsi composé, le gouverneur, le lieutenant, le major ou sergent-major, plusieurs officiers, le chirurgien-major. On trouve auprès de ces officiers un commissaire du roi en la garnison, nous disons aujourd'hui un officier d'administration, un commissaire aux vivres, enfin un canonnier. Il est bien vrai que depuis l'époque où Dubuisson écrivait, Concarneau n'a pas vu la fumée d'un camp ennemi, mais la place aura encore plus d'une alerte et son rôle militaire n'est pas fini. Durant les guerres, et la France est le plus souvent en état de guerre, les flottes anglaises, hollandaises, espagnoles courent la mer de Bretagne, s'approchant quelquefois du rivage. Les navires armés en course ravagent les côtes, avides de butin. Enfin, au moins au XVIe et XVIIe siècle, des pirates barbaresques viennent chercher jusque dans l'Atlantique des rivages moins dévastés et moins bien gardés. Concarneau a veillé comme une sentinelle avancée, seulement trop modeste, la place n'a pas gardé la preuve de ses services. Et nous sommes contraints d'emprunter les détails qui vont suivre au registre, malheureusement incomplet, de la communauté de Quimper. Nous voyons d'abord, en 1631, Audierne et les paroisses voisines menacées au point que nombre d'habitants s'enfuirent à Quimper. La communauté prit peur pour la ville elle-même et elle ordonna que les portes seraient fermées et que leur pont-levis serait mis en état d'être levé. Tout est à faire quand on s'attend à voir venir l'ennemi qui, par bonheur, ne vient pas. En 1635, un pirate capture dans les eaux de Concarneau un procureur de Quimper, Guillaume Piquet, qui apparemment était quelque peu armateur. Celui-ci demande du secours pour combattre le pirate et reprendre sa cargaison. Il se promet de retrouver l'ennemi à l'embouchure de l'Audet ou au Glénan. Je ne puis dire la suite de cette affaire. En 1636, ce n'est plus un pirate, c'est une flottille ennemie qui opère une descente à l'île de Saint, un lieu singulièrement choisi. En 1638, c'est une flotte espagnole qui longe la côte, comme si elle cherchait un point de débarquement et qui s'approche de Concarneau. En 1648, 9 navires pirates espagnols et biscayens se sont postés au Glénan, entre l'entrée de Quimper et Concarneau. De là, ils surveillaient les côtes de Groix à Pinmar et fondent sur les caboteurs de Nantes, le Port-Louis et Brest. Les années suivantes, les croisières ennemies se succèdent. Tantôt ce sont les Espagnols qui, sur des chaloupes légères, ravagent les côtes et pénètrent dans les rivières. Tantôt les Hollandais et les Anglais, dont les vaisseaux armés en course, tiennent la haute mer. Pour finir, signalons la flotte de l'amiral hollandais Ruyter, croisant sur les côtes. Il arriva très à propos pour quelques-uns des chefs de la révolte du papier timbré qui, recueillis sur un de ses navires, échappèrent ainsi au supplice. 1675. Je viens de mentionner la révolte du papier timbré. Il faut rappeler que cette année même, 1675, Concarneau avait été exposé à un sérieux danger. L'insurrection avait soulevé une grande partie de la Basse-Bretagne. Dans les arrondissements actuels de Quimper et Quimperlé, de nombreuses paroisses du bord de la mer, de Douarnenez à Concarneau et au-delà, s'étaient unies, proclamant le règlement dit le Code paysan exécutoire, comme on sait, sous peine de torben, c'est-à-dire d'avoir la tête cassée. Un des articles du Code menaçait spécialement les villes. 13e, la ville de Quimper et les autres voisines seront contraintes, par la force armée, d'approuver et ratifier ce règlement à peine d'être traitées en ennemis. Défense est faite d'y porter aucune denrée ou marchandise, jusqu'à ce qu'elles aient accepté le règlement sous peine de torben. À l'abri derrière leurs murailles, les bourgeois de Concarneau n'avaient pas à redouter la force armée des paroisses rurales. Mais ce blocus rigoureux commandé sous peine de torben les menaçait de famine si, comme on pouvait le craindre, il se prolongeait. Mais l'insurrection allait être abattue d'un coup. Au milieu de septembre, un combat livré près de Timmer, note seigneurie et château, aujourd'hui commune de Poulaouen, canton du Huelgoat, arrondissement de Châteaulin, fin de note, avait mis fin à la révolte. Des exécutions terribles suivirent, puis le duc de Chaulnes, lassé de faire pendre, écouta les conseils et les prières du père Monnoy, de Monseigneur de Coëtlogon, évêque de Cornouailles, du marquis de Névette, si justement populaire. Le 6 février 1676, le roi accorda une amnistie. Mais elle ne fut pas entière, 73 habitants du diocèse de Cornouailles en étaient exceptés. Ils se répartissaient sur 37 paroisses, dont quelques-unes autour de Concarneau, Combrit, Fouénan, Saint-Évarzec, Saint-Ivy, Banalec et Nison. Ainsi, Concarneau avait été entouré de paroisses insurgées. Nous ne voyons pas que la petite garnison de Concarneau ait payé de sa personne, mais ses murs et ses canons commandaient le respect. Et la place gardait, sinon son ancienne importance, du moins son vieux renom. Au XVIIe siècle, la route de Paris à Brest était par Verneuil, Mortagne, Alençon, Mayenne et Rennes. Mais les gens, aimant leurs aises, prenaient souvent par Nantes. On descendait la Loire d'Orléans à Nantes. Là, on prenait la voie de terre par Vannes, Quimperlé et Quimper. De cette ville, on se rendait à Locronan et de là à Lanvéoc, où l'on s'embarquait pour traverser la Rade. Les grands personnages qui suivaient cette route, passant entre Quimperlé et Quimper, à peu de distance de Concarneau, faisaient souvent un crochet vers cette place. C'est ainsi que le 13 février 1636, Concarneau reçut la visite d'Henri d'Escoublac de Sourdis, archevêque de Bordeaux. Le prélat a vu la guerre. En 1628, au siège de La Rochelle, il avait l'intendance de l'artillerie. Sa présence à Concarneau est signalée par Mathieu Hamon, sieur de Kermadoret, bourgeois de Quimper, annonçant à la communauté prise de court l'arrivée du cardinal pour le lendemain. La ville délibère en hâte. Il faut qu'elle garnisse de meubles un logement dans la maison du marquis de Molac, gouverneur, qui est absent. Qu'elle fasse acheter du poisson le meilleur que l'on pourra se procurer, avec confiture, bois, chandelles et autres rafraîchissements accompagnés du vin de ville et de l'hypocrasse. Deux ans plus tard, Concarneau reçoit le maréchal de la Meilleraie, lieutenant général en Bretagne, et un peu plus tard, monsieur de Pontchâteau, intendant de Bretagne, 4 mars 1638. Sur la fin du siècle, Vauban visita Concarneau, mais il n'y vint pas en curieux et pour savourer le vin de ville et l'hypocrasse. Il en étudie les défenses, il les juge insuffisantes. et il va employer son art à les perfectionner selon le système qui devait illustrer son nom. Si les travaux ordonnés par lui ont été accomplis comme on l'a écrit en 1680, Vauban a pu voir son œuvre achevée car, en 1694, il est venu défendre Brest, et au retour, il s'arrêta à Quimper, où le 7 juin de cette année, il passait une revue du banc et de l'arrière-banc. C'est à cette époque, paraît-il, qu'il ordonna la construction d'une batterie sur la pointe de Trévignon, à l'entrée vers l'est de la baie de Concarneau.